Quatrième cahier. Ma décoration. Je suis empoisonné. Retour au pays. Le camp de Boulogne et la première campagne d'Autriche. Fait général des grenadiers à pied, le général d'Orsen forma un deuxième régiment. La garde devint nombreuse et par sa sévérité, il en fit un modèle de discipline. Sévère et juste, soldat à toute épreuve, brillant sur le champ de bataille comme aux Tuileries, voilà le portrait de ce général. On fit venir les sous-officiers et soldats marqués pour recevoir la croix, et nous nous trouvâmes 1800 dans la garde. Le 14 juin 1804, la cérémonie eut lieu au dôme des Invalides. Voilà comme nous étions placés, à droite en entrant, sur des gradins jusqu'en haut, était la garde. Les soldats de l'armée étaient à gauche, sur des gradins pareils, et les Invalides étaient au fond jusqu'au plafond. Le corps d'officier occupait le parterre, toute la chapelle était pleine. Le consul arrive à midi, monté sur un cheval couvert d'or. Les étriers étaient massifs en or. Ce riche coursier était un cadeau du grand Turc. On fut obligé de mettre des gardes autour pour ne pas le laisser approcher. Ce n'était que diamant sur la selle. Il se présente. Le plus grand silence règne dans la chapelle. Il traverse tout ce corps d'officier et va se placer à droite, dans le fond, sur son trône. Joséphine était en face, à gauche, dans une loge. Eugène, au pied du trône, tenait une pelote garnie d'épingles, et Murat avait une nacelle remplie de croix. La cérémonie commence par les grands dignitaires, qui furent appelés par leur rang d'ordre. Après que toutes les grandes croix furent distribuées, on fit porter une croix à Joséphine dans sa loge sur un plat que Murat et Eugène lui présentèrent. Alors on appela Jean-Roch Coignet. J'étais sur le deuxième gradin. Je passais devant mes camarades. J'arrivais au parterre et au pied du trône. Là, je fus arrêté par Beauharnais, qui me dit « Mais on ne passe pas ». Et Murat lui dit « Mon prince, tous les légionnaires sont égaux. Il est appelé, il peut passer ». Je monte les degrés du trône. Je me présente droit comme un piquet devant le consul, qui me dit que j'étais un brave défenseur de la patrie et que j'en avais donné des preuves. À ces mots, accepte la croix de ton consul, je retire ma main droite qui était collée contre mon bonnet à poils, et je prends ma croix par le ruban. Ne sachant qu'en faire, je redescendis les degrés du trône en reculant, mais le consul me fit remonter près de lui, prit ma croix, la passa dans la boutonnière de mon habit, et l'attacha à ma boutonnière avec une épingle prise sur la pelote que Beauharnais tenait. Je descendis, et traversant tout cet état-major qui occupait le parterre, je rencontrai mon colonel, monsieur Lepreux, et mon commandant Merle, qui attendaient leur décoration. Ils m'embrassèrent tous les deux au milieu de tout ce corps d'officiers, et je sortis du dôme. Je ne pouvais avancer tant j'étais pressé par la foule qui voulait voir ma croix. Les belles dames, qui pouvaient m'approcher pour toucher à ma croix, me demandaient la permission de m'embrasser. J'ai vu l'heure que j'allais servir de patène à toutes les dames et messieurs qui se trouvaient sur mon passage. J'arrivais au pont de la Révolution, où je trouvais mon ancien régiment, qui formait la haie sur le pont. Les compliments pleuvaient de tous côtés. Enfin, pressé de toutes parts, je finis par entrer dans le jardin des Tuileries, où j'eus bien du mal à pouvoir gagner ma caserne. En arrivant à la porte, le factionnaire porte les armes. Je me retourne pour voir s'il n'y avait pas d'officier près de moi, et j'étais tout seul. Je vais donc près du factionnaire, je lui dis « C'est donc pour moi que vous portez les armes ?»« Oui, me dit-il, nous avons la consigne de porter les armes aux légionnaires. » Je lui pris la main, la serrai fortement, et lui demandai son nom et sa compagnie. Lui mettant 5 francs dans la main, en le forçant de les prendre, je lui dis « Je vous invite à déjeuner lors de la descente de votre garde. » Dieu que j'avais faim. Je fis venir 10 litres de vin pour mon ordinaire, et je dis au cuisinier « Voilà pour mes camarades. » Le caporal voit ces bouteilles et dit « Qui a fait venir ce vin ?» C'est Coignet qui mourait de faim. Je lui ai donné son souper de suite, car le lieutenant est venu le chercher. Ils sont partis bras dessous, et il a dit de boire à sa santé. Mon lieutenant, qui m'avait vu décorer le premier, ne m'avait pas perdu de vue, et s'était emparé de moi. Il me dit obligeamment « Vous ne me quitterez pas de la soirée. Nous allons voir les illuminations, et de là, nous irons au Palais-Royal prendre notre demi-tasse et de café. L'appel se fait à minuit, et nous ne rentrerons que quand nous voudrons. Je réponds de tout. » Nous nous promenâmes dans le jardin pendant 1 heure. Il me mena au café Borel, au bout du Palais-Royal, et me fit descendre dans un grand caveau où il y avait beaucoup de monde. Là, nous fûmes entourés, tous les deux. Le maître du café vint près de mon lieutenant et lui dit « Je vais vous servir ce que vous désirez. Les membres de la Légion d'honneur sont régalés gratis. » Les gros matadors qui avaient entendu M. Borel nous regardent et ils s'emparèrent de nous. Le punch se faisait partout et mon lieutenant leur dit que c'était moi le premier décoré. Alors tout le monde de se rabattre sur moi criant « Allons, buvons à sa santé !» J'étais confus. On me dit « Buvez, mon brave !» Je ne puis boire, messieurs, je vous remercie. Enfin, nous fûmes fêtés de tout le monde. Toutes les tables voulaient nous avoir. Nous fûmes saluer le maître de la maison et le remercier. À minuit, nous rentrâmes à notre caserne. Mon lieutenant était sobre comme moi. Nous ne prîmes que très peu de choses. Que cette soirée fut belle pour moi, qui n'avais jamais rien vu de pareil. Mon lieutenant me mena chez mon capitaine le lendemain matin. Nous fûmes embrassés tous les deux, et il fallut prendre le petit verre. « À midi, dit mon capitaine, vous irez avec le lieutenant qui vous présentera à monsieur de la Cépède, comme le premier décoré. C'est l'ordre. Et les grenadiers à 2 heures. » Nous prîmes un fiacre et arrivés dans la cour, on monte de grands escaliers. Puis les deux battants s'ouvrirent et nous fûmes annoncés. Le chancelier paraît avec un gros et long nez. Mon lieutenant lui dit que j'avais été décoré le premier. Il m'embrassa et me fit signer en tenant ma main pour faire toutes les lettres de mon nom sur le grand registre. Il nous accompagna jusqu'à la porte du grand perron, et toute la garde fut en voiture à la chancellerie. Je fis des visites chez le frère de mon colonel, porte Saint-Denis, où je fis emplette de nankin pour me faire des culottes courtes. Bas, boucles d'argent de jarretière, c'était de rigueur pour l'uniforme d'été. Lorsque je fus prêt à me présenter chez le général Hulin, il me reçut et me fit cadeau d'une pièce de ruban de la Légion d'honneur. Le lendemain, je voulais aller chez M. Champromain, marchand de bois, de druilles, demeurant près le jardin des plantes. Je suivais la rue Saint-Honoré. Arrivant près du palais royal, je rencontrai un superbe homme qui m'accoste pour voir ma croix, me dit-il, et me prie de lui faire l'amitié de venir prendre une demi-tasse de café avec lui. Je refusai, et il insista tant que je me laissais tenter. Il me mena au café de la Régence, place du palais royal, qui longe cette place à droite. Arrivé dans ce beau café, il fait venir 2 demi-tasses. Moi, je regardais la dame dans son comptoir, qui était si belle. Avec mes 27 ans, je la brûlais des yeux. Ce monsieur me dit « Votre café va refroidir, prenez votre tasse. » Et sitôt prise, il se lève et me dit « Je suis pressé. » Il va payer et sort. Je ne venais que finir ma tasse, je me levais qu'il était disparu. En sortant du café, je tombais sur le pavé. Tout mon corps se tortillait. J'étais en double. Des coliques me tordaient les boyaux. On vint à mon secours. Le monde du café, je crois, me fit porter à notre hôpital au Gros Caillou, et je fus de suite traité. On me fit boire je ne sais quoi, on me fit bassiner un bon lit, et l'on fit venir M. Suze, le premier médecin très grêlé et borgne, un excellent homme. Il s'aperçut de suite que j'étais empoisonné. Il ordonna un bain et des frictions avec de l'huile qui infectait. Un infirmier bras nus me frottait le ventre à tour de bras. Un autre était tout prêt pour le relayer, et ainsi toute la nuit et tout le jour, pendant 8 jours, et les coliques ne se passaient pas. Il fallut mettre les ventouses sur le ventre, souffler avec un soufflet, et lorsque le feu était éteint, on coupait la peau avec un canif, et puis on mettait un bocal renversé sur mon ventre pour pomper le sang. On m'épuisa de cette manière que l'on pouvait voir, avec une chandelle au travers de mon corps, et les infirmiers de frotter nuit et jour, et de me changer de drap 4 fois par jour à cause des sueurs qui sortaient. Tous les matins, je donnais 24 sous à mes 2 infirmiers pour leurs bons soins. M. Suze venait 3 fois par jour, et toujours des ventouses et des remèdes qui ne faisaient rien. Ce que l'on me donnait à prendre par le haut ne passait pas. Il en fut fait rapport au premier consul, qui donna l'ordre de mettre 2 médecins de nuit près de moi pour me garder, et 2 infirmiers nuit et jour. Un officier de service venait tous les matins savoir de mes nouvelles. Tous les soins me furent prodigués, on donna l'ordre de laisser entrer ceux qui viendraient me voir, sans permission, et ma plus grande consolation, c'était de voir ma croix, qui était près de moi. Je supportais toutes les souffrances possibles pour me guérir. Cette situation dura pendant 40 jours. Il y eut une consultation où fut appelé le baron Larrey, et des médecins qui me mirent sur une table bien couverte, sur des matelas. « Messieurs, leur dit-il, ce brave militaire est rempli de courage. » « Consultez-vous et dites-moi votre avis. » Ils délibèrent et je n'entendis rien. M. Larrey dit « Il faut faire rapporter un baquet de glace et de la limonade, et nous l'en ferons prendre. Si elle passe, nous verrons. » on me présenta un grand gobelet d'argent plein de limonade bien sucrée. Je la bois et je ne vomis pas. Ces messieurs attendaient. Une demi-heure après, ils m'en donnèrent un second verre. Monsieur Larrey leur dit « J'ai sauvé le haut, sauvé le bas ». Ils délibèrent pour me faire prendre un remède de leur composition, et il fit son effet. Je rendis comme trois boules, dont une comme une noix, et les autres moins grosses, et la première était pleine de verres de gris. Elles furent emportées soigneusement, et ils restèrent 2 heures près de moi. Monsieur Larrey me dit « Vous êtes sauvé, je viendrai vous voir ». Il est venu 3 fois me visiter. Je dois la vie à lui et à M. Suze. Je fus soigné, on me donna des confitures, et quand je pus manger, on me donna du chocolat excellent et 4 onces de vin de Malaga, que je ne pouvais pas boire. Je le donnai au plus malade de ma chambre. Au bout de 8 jours, on me donna du poisson frit, du mouton et une bouteille de vin de nuit. J'en donnai la moitié à mes camarades. Les confitures venaient du dehors, je ne sais de quelle main bienfaisante. Je recevais des visites tous les jours. M. Morin, qui possédait un château dans mon pays, apprit que j'étais à l'hôpital. Il vint me voir et m'offrit son château pour me rétablir. Je l'acceptai avec reconnaissance. « Vous trouverez du bon laitage, dit-il. Je donnerai des ordres pour que vous soyez soigné. » Les bons soins des médecins et des infirmiers me sauvèrent de la vengeance que l'on exerçait contre moi, ne pouvant pas atteindre le premier consul, car c'était un des mouchards de Cadoudal qui me guettait pour me détruire. Lorsque je fus convalescent, on me portait dans un fauteuil près de la croisée pour prendre l'air. M. Suze me fit peigner et dit à l'infirmier qu'il ne voulait pas que mes cheveux soient coupés. Il fallut mettre beaucoup de temps et de poudre, et il fit mettre un masque à l'infirmier. Il y avait 2 verres à son masque pour qu'il ne soit pas empoisonné, tout le verre de gris étant dans ma chevelure. Cette opération dura 1 heure. Je donnai 3 francs à l'infirmier pour la conservation de ma chevelure. Nous portions alors des ailes de pigeon. Et il fallait mettre des papillotes les soirs, et le perruquier venait nous coiffer tous les jours au corps de garde le matin. À midi, on ne connaissait pas la garde descendante avec la garde montante. Nous fûmes bien débarrassés lorsque l'ordre fut donné de couper les queues, quoique ça fît une révolution dans l'armée, surtout dans la cavalerie. Ma convalescence venait à vue d'œil. Je dis à M. Suze que je me portais bien, et que je désirais avoir une permission pour prendre l'air du pays natal, vu que j'étais invité dans un château pour me rétablir, et que le laide me ferait du bien. « Je vous donnerai, dit-il, 3 mois, si vous voulez. Je vous recommande de ne pas habiter avec une femme au moins d'1 an, car vous pourriez tomber de la poitrine. » Soyez prudent, il faut me le promettre. Je vous le jure. Il me donna mon billet de sortie, et arrivé à la caserne, je présentai mon billet et ma permission de convalescence au capitaine, qui obtint ma paye entière. Je partis habillé tout à neuf, aux frais du gouvernement, par le coche, et arrivé à Auxerre, je fus logé chez Montfort, porte de Paris. Je me rappelai d'un parent, le père Toussaint Armancier. Je le fis venir et lui demandai s'il n'aurait pas entendu dire où était passé mon petit frère, que je n'avais pas vu depuis l'âge de 6 ans. Il me répond « Je sais où. Il est à Beauvoir, chez le meunier Thibault. Il faut l'envoyer chercher. Dieu que je suis content. » Le lendemain, il arrive, se jette dans mes bras. Il ne pouvait pas se contenir de joie de me voir si beau, dans un bel uniforme, avec la croix. « Mon bon frère, me disait-il, que je suis content. Je vais dans notre pays, et si tu veux, je t'emmènerai. Je te placerai dans le commerce. J'ai de bonnes connaissances à Paris. » « Eh bien, me dit-il, viens me chercher, je partirai avec toi. »« Je te le promets, lui dis-je, apprête-toi. As-tu de l'argent ?»« Oui, me dit-il, j'ai 700 francs. Ça prouve ta bonne conduite, mon ami. » Et nous dînâmes comme 2 enfants retrouvés. Le lendemain, après notre déjeuner, nous partîmes chacun de notre côté. Arrivant à Courson, je fus arrêté par le brigadier de gendarmerie nommé Trubert, qui me demande si j'étais en ordre. Je lui dis « Regardez ma croix et mon uniforme, c'est mon passeport. » Il fut sot. Je me fis conduire à Druille. J'arrivai le samedi à la nuit au château du Boulois, chez M. Morin, où l'on m'attendait. Suivant la vallée, je ne fus aperçu de personne. Le lendemain, dimanche matin, je me mets en grande toilette pour me rendre à la messe. Je demandai où je pourrais me placer dans une stalle. On m'indiqua celle à côté du maire, M. Trémaux, qui existe encore, et j'arrivai dans le chœur. Je me plaçai dans la place indiquée, et le maire se met à ma gauche. Je le salue. « C'est bien vous, Coignet ?»« Oui, monsieur. Je vous attendais, j'ai reçu une lettre de M. Morin qui m'annonçait votre arrivée. Je vous remercie, j'aurai l'honneur d'aller vous faire ma visite après la messe. Je vous attends. » Tout le monde se portait du côté du cœur pour voir ce beau militaire décoré. Je reconnus ma belle-mère en face de moi et mon père qui me tournait le dos. Il chantait au lutrin. Je ne laissais pas finir la messe tout entière pour sortir de l'église. Je me présente chez mon père. La porte n'était pas fermée. Je me tiens debout, mon père arrive et me voit qu'il l'attendait au milieu de la chambre. Je fus à lui pour l'embrasser. Il me serra dans ses bras et je lui rendis l'appareil. Ma belle-mère paraît pour venir m'embrasser. « Halte-là, lui dis-je, je n'aime pas les baisers de Judas. Retirez-vous, vous êtes une horreur pour moi. »« Allons, mon fils, dit mon père, assieds-toi là. Pourquoi n'es-tu pas venu chez ton père ?»« Je ne voulais pas y recevoir l'hospitalité sous les yeux de votre femme que je déteste. Des étrangers m'ont offert un asile par amitié, je l'ai accepté. Je vais faire ma visite à monsieur le maire, et demain je viendrai vous voir à midi, si vous le permettez. Je t'attendrai. » Je partis pour monter à la ville, et je trouvai la foule qui m'attendait à mon passage, disant « Le voilà, ce cher Coignet, il n'a pas perdu son temps, il a une belle croix. Le bon Dieu l'a béni à cause de toutes les souffrances que sa belle-mère lui a fait endurer. Laissez-moi, leur dis-je, je vous verrai tous, mes bons amis, laissez-moi monter à la ville chez M. Trémaux. » Je fus reçu à bras ouverts chez M. Trémaux, qui dit « Vous avez votre couvert mis chez moi, et nous vous mènerons à la chasse avec mes frères pour vous désennuyer. Vous portez votre port d'armes sur votre poitrine. » Je vous remercie, je viendrai vous voir. » Quel baume pour moi que cet accueil de l'amitié! Je rentrai à mon hôtel et le lendemain, je descendis chez mon père. Je lui dis « J'ai enfin retrouvé mon petit frère, après avoir eu le malheur d'avoir perdu les deux autres, dont un est venu mourir près de vous sans que vous lui donniez l'hospitalité. Voilà encore une barbarie de votre femme. Et vous, homme faible, vous avez pu fermer la porte à votre fils aîné. Il faudra cependant nous rendre compte, vous savez, que vous nous devez 3 000 francs. » Ma belle-mère, qui était au coin du feu, me dit « Comment ferions-nous pour vous donner tout cet argent? Il n'est pas permis à une marâtre de femme comme toi de se mêler de mes affaires. Cela me regarde avec mon père. Si je n'avais pas tout le respect que je lui dois, je te ferais sauter la tête de dessus tes épaules. Tu ne prendras plus les pincettes pour m'arracher le nez. Malheureuse, tu n'as pas de honte d'avoir mené ces deux innocents dans les bois et les avoir abandonnés à la merci de Dieu. Vois ton crime, serpent. Si Dieu ne retenait pas mon bras, je ne sais pas, je ferais un malheur. » Mon père était tout pâle. Je frémis de la sortie que je m'étais permis de faire devant lui, mais j'avais le cœur soulagé. Il ne fut parlé que de moi dans tout le pays et aux environs. Je reçus des visites de toutes parts, que je rendis, et je fus reçu partout avec amitié. Je reçus une lettre de M. de la Bergerie, préfet de Lyonne, sur l'ordre du maréchal Davoust qui était arrivé à Auxerre, pour être près du maréchal, pour une chasse aux loups dans la forêt de Frétois, près de Courson. J'y fus accompagné de messieurs Trémaux qui me dirent très obligeamment qu'il fallait être en chasseur pour ménager mon uniforme. J'étais comme un vrai chasseur avec mon ruban de la Légion d'honneur. Le maréchal me reconnut de suite. « Voilà mon grenadier, dit-il au préfet. Vous nous suivrez à la chasse toute la journée. » Les gardes nous placèrent et les traqueurs partirent après le signal. Il fut tué 2 loups et des renards. Il était défendu de tirer sur le chevreuil, mais on permit de chasser le gibier le soir et de tirer sur tout. La chasse fut terminée à 4 heures, et nous fûmes invités, moi et les messieurs Trémaux. Le dîner fut brillant. Je fus fêté. Le maréchal dit au préfet « C'est le plus petit de mes grenadiers. Allons, amusez-vous bien dans votre pays. » Nous partîmes à 11 heures du soir, et les messieurs Trémaux furent enchantés du bon accueil du préfet et du maréchal. Nos carniers étaient bien garnis de lièvres. Je passai mon temps à chasser. Je fus voir mon père qui m'invita à faire une partie de chasse. Je ne pus refuser. Arrivé au rendez-vous, il me dit « Voilà le train de 3 chevreuils qui ont passé la nuit dans ce taillis. Ils ne sont pas loin. Viens que je te place. Tu tiendras ma chienne, et au bout d'un quart d'heure, tu marcheras droit devant toi. Sitôt que j'aurai tiré, tu la lâcheras. » Je pars, et arrivé au milieu de ma course, j'entends 2 coups de fusil. Je lâche le chien, et j'entends mon père me crier « Par ici !» J'arrive. Quel fut mon étonnement, 2 chevreuils par terre. « Je les ai tués tous les 2. Je devais les avoir tous les 3, dit-il. « Je me suis trop pressé. Allons à la ferme, on viendra les chercher. Mais, me dit-il, il nous faut 2 lièvres, chacun le nôtre. Je sais où les trouver. » Au bout d'une heure, les lièvres étaient dans le carnier. « C'est suffisant, lui dis-je, allons-nous-en. » Je fis tous mes adieux de porte en porte pour me rendre à Beauvoir chez le père Thibault, pour prendre mon petit frère et l'emmener avec moi à Paris. Je cachai mon départ, je ne le dis qu'à mon camarade Allard, et je partis à 2 heures du matin. Arrivé à Paris, je plaçai de suite mon frère garçon marchand de vin. Je me rendis à ma caserne, où mes camarades me souhaitèrent la bienvenue. Je touchai ma solde entière et 3 mois de ma légion, ce qui me donna 200 francs. Ça remonta mes finances. Exempt de service pendant 1 mois par ordre du capitaine, je fus tout à fait rétabli pour entrer en campagne. On s'apprêtait pour la descente d'Angleterre, disait-on. On faisait faire des hamacs pour toute la garde, avec une couverture pour chacun. Le camp de Boulogne était en grande activité, et nous faisions la belle jambe à Paris. Mais notre tour arriva pour prendre part aux manœuvres de terre et de mer, après de grandes revues et de grandes manœuvres dans la plaine de Saint-Denis, où il fallut endurer la pluie toute la journée. Les canons de nos fusils se remplissaient d'eau, l'arme au bras. Le grand homme ne bougeait pas, l'eau lui coulait sur les cuisses. Il ne nous fit pas grâce d'un quart d'heure. Son chapeau lui couvrait les épaules, ses généraux baissaient l'oreille, et lui ne voyait rien. Enfin, il nous fit défiler, et rendu à Courbevoie, nous barbotions comme des canards dans la cour. Mais le vin était là, et on n'y pensait plus. Le lendemain, on nous dit, à l'ordre du jour, qu'il fallait se tenir prêt à partir. « Faites vos sacs, dirent nos officiers. Faites vos adieux à tout le monde, car il ne reste que les vétérans. » L'ordre arrive. Il faut porter toute la literie au magasin et coucher sur la paillasse, prêt à partir pour Boulogne. On nous campa au port d'Ambleteuse, où nous formâmes un beau camp. Le général Oudinot était au-dessus de nous avec 12 000 grenadiers, qui faisaient partie de la réserve, et tous les jours à la manœuvre. Nous fûmes embrigadés pour faire le service sur mer chacun notre tour. On nous mit très loin, sur une ligne de 200 péniches. Toute cette petite flottille, divisée par sections, était commandée par un bon amiral, qui était monté sur une belle frégate au milieu de nous. Pendant 20 jours, toujours manœuvrant les pièces, nous étions canonniers et marins. Les marins canonniers et soldats, tout ne faisait qu'un seul homme. L'accord était parfait à bord. La nuit, on criait « bon quart », et le dernier criait « bon quart partout ». Le matin, les porte-voix demandaient le rapport de la nuit. « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à votre bord ?» On nous fait savoir qu'il y a 2 grenadiers qui se sont jetés à l'eau. « Sont-ils noyés ?» répétait le porte-voix. « Oui, répétait l'autre. « Oui, mon commandant. À la bonne heure. » Il disait « à la bonne heure » parce qu'il avait compris le mot d'ordre. Une fois, j'étais monté sur une corvette avec 10 pièces de gros calibre, 100 grenadiers et un capitaine couvert de blessures. J'étais servant de droite d'une pièce, car il fallait tout faire, et la moitié restait sur le pont la nuit. Lorsque mon tour arrivait de descendre pour me coucher dans mon hamac, je disais « Allons, vieux soldat, te voilà donc dans ton hamac. Allons, repose-toi. » Le maître Cambusier m'entendit. « Où est-il, le vieux soldat ?»« Me voilà, lui dis-je. Où est votre hamac ?»« Je vais vous mettre dans une bonne place. » Et il descendit mon hamac près des caisses de biscuits et leva une planche. « Mangez du biscuit et demain je vous donnerai le bout de jarron. » C'est la petite mesure d'eau-de-vie. On mangeait dans des vases de bois, avec les cuillères de même, des fèves qui dataient de la création du monde. Toutes les rations par ordinaire étaient dans des filets. C'était de la viande fraîche et de la sole. Un jour, messieurs les Anglais vinrent nous faire une visite avec une forte escadre. Un vaisseau de 74 fut assez insolent pour arriver près du rivage. Il s'embosse et nous envoie des boulets à toute volée dans notre camp. Nous avions de gros mortiers sur la hauteur. Un sergent de grenadiers demanda la permission de tirer sur ce vaisseau, disant qu'il répondait de le couler du premier ou du second coup. « Mets-toi à l'œuvre. Comment te nommes-tu ? » dit le consul. « Despienne. Voyons ton adresse. » La première bombe passe par-dessus. « Tu as manqué ton coup, » dit notre petit caporal. « Eh bien, dit-il, voyez celle-ci. » Il ajuste et fait tomber sa bombe sur le milieu du vaisseau. Ce ne fut qu'un cri de joie. « Je te fais lieutenant dans mon artillerie, » dit-il à Despienne.